J'ai déjà vu un policier m'insulter de sale négro. Ma foi a peur car ma vengeance engraine mon ego. Mes sentiments cherchent mon corps, pourtant mon cœur n'est pas loin. Aucune rivière de larmes ne peut noyer un chagrin. L'amour me pose à la pain, la mélancolie m'emmène. Sans capuche ou la pluie, j'attends que le daron revienne. Un passé qui creuse des tombes, des souvenirs à l'appel. M'accuse pas des têtes en l'air, moi j'ai des frères au ciel. Pays souillé, joue essuyé. J'suis armé fuyé, j'fais partie des oubliés. Ouvrir les bras à la mort, la vie n'a pas voulu le faire. Certains vont rater le paradis à cause d'une meuf d'enfer. J'entends des égos, ça part sur mon dos. Des rappeurs envieux, car j'suis une star des banlieues. Pourquoi s'endetter de câlins quand l'amour peut se monnayer? Bozen, Lady, Isefa, baby. Dis à l'imam de venir maintenant. Listé en enfer et j'vois que le diable a déjà mis mon nom. Mon nom, ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et j'verse une larme quand j'pense à maman. Maman, dis à l'imam de venir maintenant. Listé en enfer et j'vois que le diable a déjà mis mon nom. Mon nom, ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et j'verse une larme quand j'pense à maman. Maman, méfiance et trahison, c'est ce qui reste dans ma mémoire. Pourquoi un flow gospel pour leur rappeler que je suis noir? Ou même grâce à Fouini, ouais, j'ai vraiment du talent. J'ai laissé fuir la femme que j'aime car mon silence est galant. Le diable se cache dans mes passions pour venir troubler ma conscience. Les faux frères se maquaient pour venir séduire ma confiance. Ma carrière une ascension mais ma vie est en déclin. J'attends qu'on fasse le rappel avant que ma voix soit restreinte. Le plus attendu de cette année, c'est vrai que ça change la donne. Dans la chambre de mon cœur, y'a des posters de la daronne. Les opposés s'attirent, pour s'y opposer s'attirent. J'ai peur d'y rester, car mon rêve c'est de partir. Dans mon quartier, certains se droguent pour oublier qu'ils existent. Les racistes blancs broient du noir devant des enfants métis. J'ai des remords, où je fais des sauts morts. Où je parle de gens morts, baby baby no more. Pourquoi s'endetter de câlins quand l'amour peut se monnayer? Bozen, Lady, Isefa, baby. Dis à l'imam de venir maintenant. Listé en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Mon nom, ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse une larme quand je pense à maman. Maman, dis à l'imam de venir maintenant. Listé en enfer et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Mon nom, ça part de guerre depuis un moment. Tu es pas un frère et je verse une larme quand je pense à maman. Maman, quoi que je dise, la gloire me ramène. Quoi que je dise, la gloire me ramène des ennemis. Quoi que je dise, la gloire me ramène des ennemis. Quoi que je dise, la gloire me ramène des ennemis.